c'est la bamba, bamba, les furies, les bimbos, masques en plume et lilas, les nuits blanches à Rio, les nuits blanches à Rio, à Rio. Lance parfumée comme à autour des braseros, où tu fumes, où tu bois, elle s'offre incognito, elle s'offre incognito, les nuits chaudes à Rio. L'amour, la mort et basta, samba de l'enredo, jupon, mouchoir et samba, les nuits blanches à Rio, les nuits blanches à Rio. Les odeurs du tabac, la couleur des chariots, et de l'or sur le bois, des tambours de là-haut, des tambours de là-haut. Ça ne dure qu'un coïba, et puis c'est un mégot. On vit combien de fois ces amours à Rio, ces amours à Rio, à Rio. Les eaux pures de Bahia, le tempo des sanglots, on se prend, on s'en va, on s'oublie aussitôt, on s'oublie aussitôt, les nuits chaudes à Rio. L'amour, la mort et basta, samba de l'enredo, jupon, mouchoir et samba, les nuits blanches à Rio, les odeurs du tabac, la couleur des chariots, et de l'or sur le bois, des tambours de là-haut, des tambours de là-haut. En mouchoir et samba, la couleur des chariots, et de l'or sur le bois, des tambours de là-haut. Les nuits blanches à Rio, les nuits blanches à Rio. Les nuits blanches à Rio, les nuits blanches à Rio.